des gestes de tendresse affichés aux quatre vents, des lettres qui me restent. Ce n'est plus comme avant, une sensation étrange transformée en amertume, malveillance d'un ange, qui sait, peut-être de la rancune. Les jours qui ne s'effacent, un amour qui me dépasse, un fantôme dans la glace, je ne trouve plus ma place. Dans ma tête tout est vide, je ne sais vivre sans toi. Mon visage livide, regarde l'empreinte de tes pas. Je n'ai plus l'habitude. Tu sais, tu me manques. J'ai joué de la faiblesse, le destin que rien n'oblige, et de tes caresses toujours me remplissent de vertige. Tes caresses toujours me remplissent de vertige.